Dieu merveilleux et tout puissant. Nous te disons grand merci pour ce privilège que tu accordes à nos modestes personnes, à nos pauvres âmes de nos assemblées, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que tu es ici. Nous allons ta promesse infaillible. Et dis que là où deux ou trois sont assemblés à moi, je suis moi-même comme lieu de cette puissance, manifeste cette présence, manifeste-nous ta bonté, ta miséricorde, manifeste-nous ta gloire, Seigneur, que nos corps voient le surnaturel, parle le surnaturel, reçoive des réponses du surnaturel, et sois édifié dans le spirituel. Nous nous attendons à toi, pour que tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, toutes nos fautes, nos erreurs à tout bout de champ, Seigneur. Nous sommes souvent des indignes, les enfants qui apprennent à marcher, qui tombent et tombent encore, qui tombent les chutes de temps en temps, mais Seigneur, ton bras est fort, et ce qui nous affermira, tu as promis de nous rendre inébranlables, chacun pour sa part dans la marche, confirme la promesse de Dieu dans nos cœurs, et donne gloire à ton nom que nous croyons, ton nom que nous invoquons, ton nom sur lequel nous nous appuyons, ton nom sur lequel nous comptons vraiment les tout. Répands ta grâce sur le prédicateur, sur chaque auditeur, chaque auditrice, que nous soyons au diapason, tous unis pour la gloire du Seigneur, pour le service divin, pour nous dépouiller du vieil homme, et revêtir l'homme nouveau, et marcher selon la révélation, par la puissance de résurrection de Jésus-Christ, que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, de révélation en révélation, tu es capable de le faire, Seigneur. Alors, nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant, propriétaire des cieux et de la terre, souverain de tout l'univers. Agrée-nous devant toi, par le sang de Jésus-Christ, et ôte nos maladies, ôte les douleurs de corps, ôte tous les fardeaux encombrants, donne la paix de la parole, la paix de l'évangile de paix, que nos cœurs reçoivent cela, et deviennent reconnaissants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Ok. Veuillez vous asseoir. Et nous allons à présent écouter la prédication de l'Évangile par le canal du révérend pasteur Gauthier Bianga du tabernacle de Matadi. Nous l'invitons ici à la chaire pour la prédication de l'Évangile. En souhaitant à chacun de vous les meilleures conditions. Bon appétit. Bon appétit. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous rendons tous grâce au Seigneur Jésus. Pour la bonne santé. Pour nous autres kolongono. Et aussi l'opportunité de nous retrouver ici ce soir. Elibaku ya kokutana na poko alelo awa. Quand j'ai vu la menace de pluie. Tangona mona kimbula ezali ko salo kola kobeta. J'ai dit c'est juste une petite prière au Seigneur. Na tinda ki libondel moke pa na kolo. S'il pleut. C'est risque de perturber notre vie. Bon, en tout cas, je glorifie le Seigneur. Alors, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je crois que vous êtes en bonne santé. Bon, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Bon, kolongo bon, bon, malam. Na tuni bino bon, kolongo na bino bon, zoto bon, malam. Eh? Bon, malam. Ok. Zambé, à Koumissa. Élevons-nous pour honorer la lecture de la parole. Dimanche, nous étions dans Matthieu chapitre 16. Je crois que le Seigneur nous a bénis ensemble. Avec le petit commentaire qui était fait. Sur l'écriture. Nous reculons dans Matthieu chapitre 11. Nous lisons du verset 25 au verset 27. Saint passage d'écriture nous est familier. Un bon lecteur de la Bible, je crois qu'il a déjà lu ça plus d'une fois. Mais ce soir, nous allons un peu nous y appesantir. Nous allons lire ça minutieusement. Et je crois que ça aidera chacun de nous. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Natango yango Yesu azongisi liloba. Ye ete, natondi yo tata, kolo na likolo mpe na se, po ete, obombi makambo oyo, liboso na bato na mayele mpe, na bososoli. Mpe na bososoli mpe, omonisi yango na bana mike. Ye tata, Nzambe, emonanaki malamu bongo na miso na yo. Makambo yonso, mapesa melingai na tata na ngai. Moto ayebi mwana te, bobele tata. Pe moto ayebi tata te bobele mwana pe ye oyo mwana andimie te amonisa ye. Amen. Tubondeli Nzambe. Tutondi yo tata pona pokwa lelo. Tikete mokano na yo esalema. Amen. Ndenge tosangani na pokwa oyo nandimie te zali solo mokano na yo. Tamsu bano mtu bako ya te, zite oyo bazaki un peu bouleversé na menace ya mbula. Kasi le roi tosengete mokano oyo esalema tondimi ete yango nde kosalema. Amen. Wale yangani biso na kombo na yo tata tosengi opambola biso na nzela boyoki liloba. Bakisa lipamboli na yo na likomi oyo totangi pe sopa epakoli na mosala likolo na motei kamba pe molimboli pe na moyoki nyonso. Tombola biso wansu na mosanda na molimo, na tina ete mwana mobali mwasi moko na moko za amesure ya kokapte oyo molimo alingati encore en evidence pona biso na poko ya lelo. Wato kozonga, so bakwa ba ekoli mibali na nzela Emmaüs, mitema na biso ezali kopela moto te wana ezalaki ekolo biso nzela nzela. Yesu wana olobaki na bango, yo nde oza na biso lelo. Amen. Parce que obongwani te oza lolenge moko lobi, lelo pe libela na libela. Amen. Tami bozi bwana maboko na yo. Croyant que Ojibo Yangeli, Yako Sakromane Lobanayo, ou te bandelite souka, na kombona kolo, et mouvix Jésus Christo, te sengiboye. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Comme je viens de le dire, dimanche nous étions dans Matthieu chapitre 16. Je crois que tout ce qui était là présent, chacun a reçu quelque chose. Parce que je ne pense pas que quelqu'un peut venir à l'église et rentrer comme ça. Donc je crois que chacun a reçu quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui étaient dites. Mais Dieu donne à chacun selon les besoins de son cœur. Alors ce soir, nous lisons Matthieu chapitre 11. C'est Jésus qui a parlé. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Celui qui l'appelait Père, c'est Dieu. Donc Jésus appelait Dieu son propre Père. Et en appelant Dieu son Père, il s'est déclaré donc fils de Dieu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Père, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu, le Père, Tata, a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Selon le monde, bien sûr. Mais le Père a révélé ces choses aux enfants, tata amonisi makambo epai na bana, aux humbles, na baba zali komikitisa, aux simples, na bato bazali kosoka mapenza, à ceux qui ne se confient pas en leur propre savoir, en leur propre intelligence, à ceux-là qui ne s'imaginent pas qu'ils peuvent comprendre les choses de Dieu de par eux-mêmes. Mais Dieu révèle ces choses à ceux-là qui, pour leur savoir, ne s'attendent qu'à Dieu. Donc pour tout ce qu'ils peuvent connaître de la parole, ils sont conscients qu'ils ne le peuvent pas de par eux-mêmes. Oui. Ils s'attendent seulement à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut leur faire comprendre. Ce sont là les simples, les humbles. Je veux dire les enfants. Parce que l'on dit, les enfants, ce sont ceux qui veulent apprendre de Dieu. Ils savent que c'est Dieu leur père qui doit leur apprendre ce qu'ils comprennent. Donc c'est Jésus qui parlait, s'adressant au Père. Dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, yo, tata, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ah oui, c'est sa volonté. Il l'a voulu ainsi. Le Père l'a voulu ainsi. C'est sa volonté. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Son Père, c'est Dieu. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Je m'arrête un peu là. Si Jésus n'avait pas continué de parler, si Jésus s'était arrêté là, donc, mon frère c'est le Fils et moi c'est le Père. Jésus dit, personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Personne d'autre. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Il n'y a que le Fils. Et là, vous voyez, moi, non, qui connaît le Père. Personne d'autre. Si Jésus est arrêté là, alors où serait notre place alors? Ce serait une affaire entre le Père et le Fils. Donc, il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Et il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Donc, une affaire entre le Père et son Fils. Ça s'arrête là. Personne. Mais heureusement, Mingi, Jésus ne s'est pas arrêté là. Je reprends. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Donc jusque là, donc une affaire entre le Père et le Fils. Suivons ça très bien. C'est un sujet de méditation. Parce que vous avez déjà lu ce passage plus d'une fois, Mais vous n'avez jamais veillé à cet aspect ici. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Personne d'autre. Il n'y a que le Fils qui connaît le Père. À part le Fils, celui qui peut connaître le Père, c'est celui-là à qui le Fils veut. Et d'aller au Yohana, nani, moi, na, alingi, komonisa. il doit le vouloir lui-même. Pour te révéler le Père. Si le Fils ne veut pas te révéler le Père, tu ne connaîtras jamais le Père. Or le Père, c'est le Dieu que nous sommes censés adorer. Tata, et faut même dire que vous devez connaître celui que vous adorez. Parce que si vous ne le connaissez pas, mais comment lui rendrez-vous une adoration agréable? Si vous ne le connaissez pas, comment l'adorerez-vous comme il faut? Mais c'est pourquoi j'ai déjà dit à la femme samaritaine. Mais vous, si vous ne connaissez pas, mais nous, les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons, parce que le salut vient des Juifs. L'obiko et où que pas une bayuda. Vous voyez que si Jésus s'est arrêté là, chers frères et sœurs, ce serait vraiment une affaire entre le Père et le Fils. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Il s'arrête là. Mais heureusement qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté, à part le Fils qui connaît le Père, celui autre qui pourra encore connaître le Père, c'est celui-là à qui le Fils voudra le révéler. Voilà. Donc le Fils doit vouloir vous révéler le Père. Si le Fils ne veut pas vous révéler le Père, vous ne connaîtrez jamais le Père. Pourquoi j'insiste, c'est ce que Notre foi n'est pas une foi communautaire. Notre expérience spirituelle n'est pas une expérience communautaire. Notre assemblée, notre église, ce n'est pas une affaire d'église. C'est votre affaire, vous et Dieu. Vous et Dieu. Dieu traite avec ses enfants. Par la révélation. En leur révélant sa parole. En leur révélant sa volonté. Mais plusieurs diront, Seigneur, Seigneur. Mais ils n'entreront pas. Celui qui entrera, c'est celui-là seulement. Et d'aller mon Père, c'est dans les cieux. Pas seulement crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Mais vous devez faire la volonté. Et la volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu est mystère. Pour que vous compreniez la volonté de Dieu, Dieu doit vous la révéler. Sa révélation, vous ne connaissez jamais la volonté de Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne saurez pas que faire. Comment vivre pour lui plaire. Pour que vous fassiez des choses pour plaire aux hommes. Mais vous ne plairez pas à Dieu. Voilà. C'est là le problème. Voyez, nous parlons sur l'importance de la révélation. Donc voyez, pour que quelqu'un connaisse le Père, il faut que le Fils veuille bien lui révéler. Si le Fils ne vous révèle pas le Père, vous ne connaîtrez jamais le Père. Pour le Père, c'est Dieu. Alors finalement, c'est quoi encore ça? Non, c'est une écriture qui nous est familière. Nous lisons ça quand même. On ne voyait pas cet aspect-là. Personne non plus ne connaît le Père, ni le Fils, ni le Fils, et celui à qui le Fils veut. Et celui à qui le Fils veut. Ça doit être sa volonté. Il doit vouloir sa volonté pour vous révéler le Père. S'il ne peut pas vous le révéler, vous ne connaîtrez jamais. Vous serez un bon membre d'église. Un bon membre d'église. Après, peut-être par votre pasteur. Mais qu'en est-il de Dieu? Boni, ah oui, parce que nous n'avons pas besoin du témoignage des hommes. Il faut que l'Esprit de Dieu rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous donner ce témoignage à chacun de nous individuellement. Et ça doit attirer l'attention de chacun. Ce C'est ce qui donnera à chacun une expérience personnelle. Une relation avec Dieu. Il traite avec Dieu. Mais souvent, parfois la prière. Vous avez prié. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes parti. Mais fait dit non. Quand vous priez. Au nom du Seigneur Jésus. Vous avez parlé à Dieu. Attendez-vous quand même un tout petit peu aussi. Lui aussi vous parle. Là. Mais là nous ne voyons pas ça. Oh Seigneur, ça c'est pour moi. Seigneur, ça c'est pour moi. Au nom de Jésus, amen. C'est parti. Ok. Quand vous priez. Quand vous allez au Seigneur Jésus, amen. Na comment les restez un petit moment. Fika la tango moke. Attendez aussi, parce que. Vous avez parlé. La prière, c'est parler à Dieu, non? Les bons délais, allez colober l'ensemble. Vous lui avez parlé. Je suis le colober là. Attendez-vous un peu. Qu'il faut aussi avoir quelque chose à vous dire. À l'instant là même. Et là, moqué, pas que colober là. Vous êtes un peu tranquille quand même. Il m'a tant moqué. Et vous pouvez partir après. Finalement, moqué kokenda. Je crois que vous avez retenu ça quand même. Avant d'être motivé. C'est très important. Les alliés n'allent pas m'aimer. Ok, je prends Galates chapitre 1er. Allez, Galatia, mokapo yambo. Là, c'est l'apôtre Paul. On est allé tomber Paulo. Galates 1er. Je lis du verset 11 au verset 12. Alkotanga molongo ya 11 kino 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Bandeko na lingi ko ebisa bino ete sango malamu ekosakola biso euti na bato te. Ngai pe nazwi yango na moto te. Nasalisaki yango pe te. Nde eyei na nzela na emoniseli na Yesu Kristo. Nous disons amen. L'évangile que l'apôtre Paul a prêché, sango malamu otoma Paul asiliko akea, il l'avait reçu par une révélation de Jésus-Christ. Ayambaki yango na nzela na emoniseli ya Yesu Kristo. Il a témoigné. Atatoli. L'évangile que Paul sango malamu otoma Paul ateyaki, il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Ayambaki yango na nzela na emoniseli ya Yesu Kristo. OK. Frère Branham, dans son expérience derrière les rires du temps, il a témoigné, il a prêché comme Paul. Il a prêché le même évangile que Paul. Parce qu'on lui a dit, il voulait voir Jésus. Tu dois d'abord être jugé. Avant de voir Jésus. Moi, et puis, oui, toute ma vie, c'est Jésus. Oui, oui. Mais pour que tu puisses le voir, tu dois d'abord être jugé. Si lui, l'auteur de la parole, t'approuve, et alors tu entreras. Alors tu le verras. Est-ce que Paul sera jugé? Alors, tu n'y parles au Yépa Kosambi Sama. Tu es un chef, un conducteur. Tu enseignes la parole de Dieu. Alors, tu dois être jugé. Et après ce que tu as enseigné. Pas ta parole, mais c'est la parole. Alors, il faut que lui, l'auteur de la parole, lui, la parole, vous approuve dans ce que vous avez enseigné. Alors que vous le verrez. Mais s'il vous désapprouve, vous ne le verrez pas. Une fois j'ai fait voir ça des prédicateurs, ils ont dit, ah, c'est sérieux. Parfois, nous lisons certaines choses, mais nous ne nous y apaisons Alors, j'ai prêché le même évangile que Paul. Si ceux de Paul entrent, le mien entreront. Mais l'évangile que Paul a prêché, il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Donc si Frère Barnabas aussi devait enseigner le même évangile que Paul, alors ceux qui devaient la recevoir de la même manière. Écoutez, je dis ceci. Les premières expériences spirituelles. Mabiki aliboso ya molimo. Prêché le 13 juillet 1952. Le 13. Mitano na mibale. 13. Zomi na misato. Juillet. Sanza ya tambo. 1952. Mbuya koto moko kama libwa tuku mitano na mibale na tombo. Frère prêche les premières expériences spirituelles. Au paragraphe 6. Je ne lis pas tout. Donc, celui qui peut lire à la maison, il peut lire tous les paragraphes. Moi, je prends seulement juste le muret là. Vous savez ce qu'il faut qu'on dit? Et tout ce que je sais sur les Écritures me vient directement par révélation. Vous voyez? C'est l'unique moyen pour moi de le savoir. Tout ce que je sais sur les Écritures. Et dans ces écritures-là, il y a les épîtres de Paul. L'évangile que Paul a prêché. Nous avons les épîtres de la Bible, les épîtres. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, lui seul, en a écrit 14. Comptez les épîtres de Paul, vous verrez. Paul a écrit 14 livres dans le Nouveau Testament. Et les 13 autres, ont été écrits par 7 personnes. Donc 7 personnes écrivent 13 livres et lui seul Paul en écrit 14. Un apôtre comme celui-là, on peut se référer à lui à la légère. Et l'évangile qu'il a prêché dit qu'il avait reçu par révélation. Il faut vraiment témoigner qu'il a prêché le même évangile que Paul. Et ici il a dit, tout ce que je sais sur les Écritures me vient directement par révélation. Ouais. C'est l'unique moyen pour moi de le savoir. Paul, lui, l'évangile qu'il a prêché, il l'avait reçu par révélation. Ok. William Branham, messager de notre temps, témoigne dans ses sermons que tout ce qu'il connaissait sur les Écritures, et cela lui venait directement par révélation. Donc, souvenez-vous que je vous exhorte sur l'importance de la révélation pour que chacun de nous vraiment réalise combien la révélation est importante et qu'il s'examine lui-même dans son expérience spirituelle. Qu'en est-il? Avez-vous une foi communautaire? Avez-vous seulement une foi communautaire? Ou bien, vous avez une relation vraiment personnelle avec Dieu? Dieu vous révèle vraiment sa volonté. C'est ce qui produit le cœur de l'homme, la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du message, que ce soit les chefs des prédicateurs, les croyants, bandimi, pas moyen. Que ce soit les hommes, et dans la babali, soit les femmes, tobasi, les prédicateurs, batei, les pasteurs, babateli, que des scandales. Batei, que des scandales. Boni boni makama beza liko salema. Mabaku. Que des scandales. Mabaku nini. Mais heureusement que Dieu a dit, le Seigneur a dit, alors, mingi, zambi, c'est impossible que nous évitions les scandales. Même malheur à celui-là qui occasionne le scandale. Donc il aurait fallu qu'on lui mette une grosse pierre. On lui jette dans la mer pour qu'il descende. Même s'il est un grand nageur, avec une grosse pierre de l'eau, même si c'est un grand nageur. Frère Bonhomme dit, donc cela veut dire en quelque sorte, il n'aurait même pas fallu que cet homme-là soit né et qu'il vive ici sur la terre des hommes. Donc que Dieu nous assiste, chers frères. Donc soyons vraiment sur nos gardes. Donc l'apôtre Paul, l'évangile qu'il a prêché, il a reçu par révélation. William Branham, le messager de notre temps, parce que Paul était le messager du premier âge, Paul a zalaki mon messango ya kikali bosa ya dernier âge. Ya wasuka ya lingomba. Donc lui, il a témoigné que tout ce qu'il connaissait sur les Écritures. Et cela lui venait directement par révélation. Et vous voyez donc c'est que si lui nous a aussi enseigné la parole, c'est que lui connaissait sur les Écritures, c'était par révélation. Qu'en est-il de vous et moi? Quand nous lisons les brochures de Branham, sermons du prophète Branham, oui, nous lisons notre Bible, ce sont les Écritures. Donc le même Dieu est censé traiter avec nous aussi pour nous révéler sa volonté. Je prends Docteur Moïse. Écoutez bien ce que vous en avez dit encore ici. Dans Docteur Moïse, sermon prêché le 14 janvier 1955. Docteur Moïse. Ce puissant prophète. Docteur Moïse. Monganga Mose. Le 7 janvier, le 14 janvier 55. Au paragraphe 17. Je ne lis pas tout aussi. Donc celui qui parle la référence, il peut lire la main. Moi, je commence juste vers le milieu. Écoutez un peu. Mais ceux qui ne sont que des chrétiens de nom. Ceux qui ont tout simplement fait profession d'être chrétien. Faire profession, c'est déclarer. Ceux qui font profession simplement d'être chrétien. Ils n'ont jamais été confirmés par Dieu par la révélation spirituelle. Chrétien de nom. J'attire votre attention. Votre tabernacle, c'est le tabernacle des chrétiens. Votre tabernacle porte le nom de tabernacle des chrétiens. Soyez conséquents. Que ce ne soit pas seulement une nomination. C'est pas seulement un nom. Mais Asi. La vie des croyants qui fréquentent le tabernacle des chrétiens, qui sont membres du tabernacle des chrétiens, doit refléter vraiment une vie du christianisme. Parce que ça va nous dire alors que le mot chrétien signifie semblable à Christ. Semblable à Christ. Comment serez-vous semblable à Christ sans son esprit en vous? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors si tu n'appartiens pas à Christ, alors tu appartiens à qui? À vous-même de conclure. Ok, voilà. Donc, mais ceux qui ne sont que des chrétiens de nom, ceux qui ont tout simplement fait profession d'être chrétiens, ils n'ont jamais été confirmés par Dieu, par la révélation spirituelle. C'est le seul moyen pour vous de savoir ce que sont réellement la puissance et la guérison. Oui. C'est le seul moyen pour vous de savoir vraiment ce que sont la réellement la puissance et la guérison. Et ce qu'est réellement le salut, c'est par une révélation spirituelle de la volonté et de la parole de Dieu. Le seul moyen pour chacun de nous de savoir ce qu'est réellement la puissance, ce qu'est réellement la puissance, le seul moyen pour nous tous ici de savoir ce qu'est la guérison. Nous parlons de la guérison, mais oh, que Dieu nous aide vraiment. Le seul moyen pour nous de savoir ce qu'est réellement la puissance, ce qu'est réellement la guérison et ce qu'est réellement le salut même, c'est par une révélation de la volonté et la parole de Dieu. La volonté de Dieu et la parole de Dieu. Termine, il dit, vous n'apprendrez jamais cela autrement que par la révélation. Donc il n'y a pas un autre moyen pour vous de savoir. C'est seulement par la révélation. Il faut que Dieu lui-même vous révèle ça. Il faut que Dieu vous révèle ce qui est réellement Que vous compreniez, vous croyants, que nous comprenions ce que c'est que la puissance. Parce qu'aujourd'hui, les pandémies, c'est pas du bruit. J'imagine qu'en criant comme ça, c'est ça la puissance. Oh non, Le seul moyen pour vous et moi de savoir ce qu'est réellement la puissance. Le seul moyen pour vous et moi de savoir ce qu'est réellement la guérison. La guérison. Le seul moyen pour vous et moi de savoir ce qu'est réellement le salut. Le salut. C'est par une révélation spirituelle de la volonté de la parole de Dieu. Vous n'apprendrez jamais cela d'une autre façon. C'est seulement par la révélation. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez, donc c'est que ce que Dieu m'a mis sur le cœur, vous avez compris, c'est une bonne exhortation, l'importance de la révélation. Donc, c'est pour que dans tout ce que nous disons ici, que vous et moi, tous, avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, nous saisissions vraiment ce chemin. Donc c'est par la révélation. La révélation. La révélation. Docteur Moïse. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, que révélation. Je prends Genèse chapitre 1er, verset 1er. Donc c'est le commencement de la Bible. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais dans l'évangile selon Saint Jean. Chapitre 1er. Verset 1er encore. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez, Genèse 1:1. Au commencement. Jean, lui, vient dans le Nouveau Testament. Oui, au commencement. Donc au début de son évangile. Et là Moïse, c'est dans le premier livre, la Genèse. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Le sujet d'adoration. Mais c'est lui-là qui est Dieu. C'est lui qui doit être adoré. C'est lui qu'on doit adorer. Parce que le mot Dieu, c'est sujet d'adoration. Dieu n'est pas un nom. Dieu est un titre. Dieu, c'est celui qu'on doit adorer. Celui qu'on doit adorer. Celui qui est Dieu. Si vous adorez autre chose que celui qu'on doit adorer, c'est que vous êtes un idolâtre. Parce que vous n'adorez pas Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui doit être adoré. Or, c'est Dieu-là pour que vous l'adoriez convenablement. Mais il faut qu'il se révèle à vous, personnellement. Faut qu'on dise, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Akelaki lola pe namokili. Les théologiens, entre disant, ils ont écrit Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui, Dieu. Mais qui est Dieu? C'est Elohim qui est Dieu. Elohim de Azali Nzambe. Celui-là qui existe par lui. Il n'a ni commencement ni fin. Azali na ebandeli kepe soukate. Il existe. C'est le grand je suis, non? Oui, Azali ya monene. Je suis. Oui, Azali. Il n'a ni commencement ni fin. Et tout ce qui n'a pas de commencement n'est pas de fin. Ça c'est l'éternité, non? Ça c'est l'éternité, qu'on a fait. L'éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et tout ce qui a un commencement a une fin. Il n'y a que l'éternité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et Elohim n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel. C'est lui qui est éternel. Il est omnipotent, tout puissant, omniscient, connaissant toutes choses. Il est omniprésent. Voilà, donc ce n'est pas que Dieu est à chaque endroit. C'est son omniscience. Qu'il est omniprésent. Comme il connaît tout ce qui se passe à chaque endroit. C'est comme si il est à chaque endroit. Mais il a son lieu d'habitation. Il a son lieu d'habitation. Il habite à trois pistes. Il habite à trois pistes. Il a son lieu d'habitation. Donc, ça, Dieu voulant, bon, en fait, oui. Parce que je venais de parler dans mon église. Donc, dans mon église, j'ai enseigné sur le trône de grâce et de jugement. C'est un bon enseignement. Le trône de grâce et de jugement. L'habitation de Dieu. Le lieu où Dieu habite. Et pas y'a pia d'aller couvanda. Mais, par son omniscience, connaissant toutes choses, c'est comme si il est à chaque endroit. Parce que si Dieu était à chaque endroit, alors Dieu serait un mythe. Alors que Dieu est un être, non? Dieu est un être. Le grand être surnaturel. Le grand esprit éternel. L'esprit créateur. C'est Dieu. Elohim. Donc en réalité, on devait écrire là-bas au commencement. Elohim créa le ciel et la terre. Mais Elohim, c'est lui qui est Dieu. Elohim, c'est lui qu'on doit adorer. Voilà pourquoi les théologiens ont dit au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Là, c'est dans Genèse. Et dans Jean chapitre 1er. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ok. Et la parole était Dieu. Ah, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Avec. Bon, on peut traduire donc dans notre lingala, hein, pour on peut dire que l'obéjalaki est longonanzambe. Avec Dieu. L'obéjalaki est longonanzambe. La parole était avec Dieu. L'obéjalaki est longonanzambe. Et la parole était Dieu. Peliloba ezalaki nzambe. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà un peu apesanti quand même. Donc je parle de l'individu. Donc, vous, mon frère en tant que croyant, vous, ma soeur en tant que croyant, en lisant cela, oui, quand il est parlé du commencement, c'est que là, Dieu était sorti de l'éternité. Parce que l'éternité, n'a pas de commencement. Le commencement ici, c'est le commencement du temps. Et comme le temps a un commencement, le temps prendra aussi fin. Tango ekosuka. Dans le mystère du septième sceau. Le septième sceau marque aussi la fin du temps. Et d'aller côté les ça suka ya tango. Le septième sceau marque aussi la fin du temps. Les mois samedi d'aller côté les ça suka. Et quand le temps se termine. Tango d'aller côté là. Sera l'éternité. Wana kozala zala zala. Voilà pourquoi nous chantons. L'éternité. Zala zala. Vas-tu la passer? Parce que le temps prendra fin. Et l'éternité continuera. Mais alors, toi qui as vécu dans le temps, peu importe ce qui a été ton sexe, masculin ou féminin, ça fait la volonté de Dieu. Vous avez vécu dans le temps. Vous avez vécu célibataire, tout ça, tout ça, c'est les réalités du temps. Les réalités de la vie terrestre. Mais après cette vie terrestre, dans quand l'éternité prendra encore, quand, quand le temps se termine, tango, où passeras-tu l'éternité? Et pas yuapi, okolika, et zala na yo. Dans la présence de Dieu, ou loin de la présence de Dieu. Il n'y a que les deux possibilités. Vous voyez, il y a certaines choses auxquelles les croyants ne pensent pas vraiment. C'est pourquoi on trouve un peu trop de distractions parmi les croyants. Parce que les croyants du message ont été déformés par des prédicateurs. Au lieu de regarder la chose essentielle, non, on regarde aux choses secondaires. On regarde aux accessoires. Et très peu sont ceux-là qui plongent un regard profond dans la chose essentielle. Quand on voit un homme enseigné sur les spectacles de l'église, il dit, oui, c'est maintenant que je comprends la portée des paroles du Seigneur Jésus quand il a parlé du petit troupeau. Parce que je me suis rendu compte que tout au long des âges de l'Église, la véritable Église n'a été qu'une minorité. Et tout au long des âges, il en a été ainsi. Et dans la Odyssée également la même chose. Dieu ne change pas sa manière de faire. Voilà pourquoi nous devons être sûrs, nos gars. Nous ne marchons pas par enthousiasme. Mais que Dieu nous aide à expérimenter vraiment la joie du salut. Donc la joie des âmes qui ont expérimenté vraiment le salut réellement. Parce que si quelqu'un pense qu'il est sauvé, alors qu'il ne l'est pas, c'est malheureux. Ah oui. Parce que dans les sermons, je crois, je ne sais pas. Donc, qui est ce Melchisedec, je crois? Beaucoup penseront qu'ils sont des élus. Et agiront même comme s'ils l'étaient. Mais, la véritable rédemption n'appartient qu'à ceux qui étaient en lui avant la fondation. Si vous n'étiez pas là, mais racheter, c'est ramener dans sa position originelle. Côté que les allées cosongues ça, dans cette position là, ceux-là qui étaient des attributs gènes en Dieu. Bah, oh, bazala qui vous bénit, mimbo, kati nzambe, les allées bahouana. Voilà pourquoi on ne doit pas se contenter de l'église. J'insiste là-dessus. Donc quand je parle comme ça, je ne parle pas contre l'église. Voilà. Vous ne me comprenez pas mal. Mais j'attire votre attention sur l'attitude que le croyant doit avoir. Mais la véritable attitude. Le vrai croyant. Parce que Dieu traite avec le vrai croyant. Les croyants. Semi-croyants, les soi-disant croyants, c'est la catégorie qu'il faut bien surveiller dans l'église. Non. Allez regarder, nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Mais écoutez, ce n'est pas à nous de faire le tri. C'est Dieu qui fait le tri. Le royaume de Dieu est semblable à un pêcheur qui va à la mer. Il prend son filet, jette à la mer. Dans les rayons là où était le filet, on tire le filet, tire le rivage. Mais le filet va attraper tout ce qui était dans ces rayons là. Serpent, grenouille, étoile de mer. Poisson. Biti. Mais le filet va tirer là. Mouniama est coupé d'avant. Et sur le rivage. Ah, on a peiné. Alors le pêcheur va faire son tri. Voilà, mon lobby est à Kopona. Il va trier. À Kopona. Le poisson n'est pas devenu poisson que quand le filet l'a attrapé. Biti, comment qu'il me dit, c'est tant que mon âme est attrapé. Le poisson était poisson depuis l'eau. Biti, à la Kimbiti, où ça le serpent n'est pas devenu serpent quand le filet l'a attrapé. Nyoka, akuma ginyoka, tango, on parle du filet de l'évangile. Vous allez vous la monyama, sang malam. La grenouille n'est pas devenue grenouille quand le filet l'a attrapé. Il faut que le tango, mon âme est vieille. La grenouille de Koulou. Azala le filet n'a fait que l'attraper, le faire sortir de lui. Voilà, mon âme est allée au Kanga et Dieu nous aide. Et le Seigneur a parlé du royaume de Dieu. Il a illustré en parlant comme ça, il a parlé du royaume de Dieu. Atali si pour qui est semblable. Un pécheur qui va à la mer, jette son filet. Mais quand ça vient, il reste là. Il a besoin du poisson. Donc ce n'est pas nous qui faisons le tri. C'est Dieu qui fait le tri. Nous, tout ce qui doit nous caractériser, c'est une vie d'amour. Les uns envers les autres. Rappelez-vous Judas. Qui vient pour trahir Jésus. Aye, ponako, qui vient pour donner même le baiser de trahison. Ponako, pepa, yesu, ponako, mais comment Jésus l'a appelé? Mon ami. Moninga nangaye. Quelqu'un qui vient pour lui donner le baiser de trahison. Motaye, ponako, pepa, ye, ponako, mais il appelle mon ami. Abengye, moninga nangaye. Chers frères et sœurs. Nous examiner. Les réactions que nous manifestons parfois, des petites choses, des petites situations. Que Dieu nous aide. L'amour de Dieu. Que Dieu déverse son amour dans nos cœurs. Quand nous puissions le voir. Sans l'amour divin. Mais alors c'est quoi? Parce qu'il faut vraiment dire, que non. Mais ça, c'est que tu apprécies, non, l'amour divin. Tu apprécies le Saint-Esprit. Ici, il n'y a que l'amour divin qui est. Ah, ouais, voilà. Donc, dans tout ce que nous faisons là, notre regard doit être fixé sur le but. Notre regard doit être fixé vraiment sur le but. Que rien ne puisse vous distraire. Fixez vraiment un regard profond dans la parole. Donc, le tri, c'est Dieu qui le fait. Ok. Alors, je continue. Donc, au commencement était la parole. Parce que les parenthèses, quand j'ouvre beaucoup de parenthèses, je ne sais pas. Quand j'ouvre toutes les parenthèses, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans ce que je dis ici, je voudrais maintenant attirer votre attention sur l'expérience de Pierre. Dimanche, à la question du Seigneur Jésus, Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Fils de Dieu, pas avec la pensée trinitaire. C'est que nous, aujourd'hui, nous devons avoir cette foi-là. Ah oui. Donc, il s'agit de la foi apostolique. La foi de la Bible. Croyant vraiment de tout cœur. Mais c'est pas révélation. Sans révélation. Pas moyen. Sans révélation. Pas moyen. Dans acte, donc, je lis d'abord dans questions et réponses. Je lis ça quand même. Allons-y un peu. Question et réponse sur la Genèse. Oui. Et c'est le 29 juillet 1953. Ça, c'est la dernière référence que je donne. Question et réponse sur la Genèse. C'est le 29 juillet 1953. Le 29 juillet 1953. Question et réponse sur la Genèse. Au paragraphe 22. Écoutez un peu ce que dit Frère Bonhomme ici. La première création était Dieu lui-même. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sorti le Logos. Puis de Dieu sorti le Logos. Lequel était le Fils de Dieu. Yango ezalaki mwana na Nzambe. Le Fils de Dieu, c'est le Logos. Mwana na Nzambe ezali Logos. Qui est sorti de Dieu. Oui, bimaki na Nzambe. Puis du Logos, qui était la parole. Et outana Logos ezalaki liloba. Est sorti l'homme. Et bimaki moto. Parce que la parole a été faite chair. Oui, c'est liloba et comment tient l'auto. Mais je ne parle pas de ça. J'attire mal attention, votre attention sur le Fils de Dieu. Pour que quand nous parlons du Fils de Dieu, que chacun de nous saisisse Mokona biso asimba la révélation. Et c'est le mais on doit enseigner ça. Et c'est que tout ça, c'est le paragraphe 22. Paragraphe 24. Dit, si vous voulez faire un petit voyage avec moi, reculons de 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, la lune, ou quoi que ce soit dans le monde. Donc avant qu'une étoile ne soit créée, que la lune ne soit créée, donc avant la création, disons avant la fondation du monde, il y eut un temps où il n'y avait rien. Tout n'était qu'éternité, perpétuité. Éternité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Hein? Il était là au commencement. L'éternité. Dieu, Elohim, lui. D'éternité en éternité. Mais en tant qu'esprit, Dieu est invisible. Dieu invisible. Paragraphe 27. Bon, remarquez maintenant. Il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais dans ce grand vide-là, mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atome. Il n'y avait rien. Et pourtant Dieu était là. Maintenant, souvent, un peu attentivement pendant quelques minutes. Personne n'a jamais vu cela. Personne n'a jamais vu cela. Bon, ça, c'est le Père. Wana ezali tata. C'est Dieu le Père. Ezali Nzambe tata. Celui-là que Jésus appelait son propre Père. Yeso mane kubenga tata na yemoko. C'est Dieu le Père. Ezali Nzambe tata. Et remarquez maintenant. Kotala malamu. Puis, quelques temps après, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme comme un petit halo. Lokola moi était moqué, ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Donc avec les yeux naturels, la ici, on ne peut pas voir ça. On ne peut voir ça qu'avec des yeux spirituels. Les yeux spirituels. Oui. Bon. Personne n'a vu Dieu. Motote atikala komona Nzambe. Je parle comme Kant. Wana zena tukumi tato. Je prends 30 et 31. Personne n'a vu Dieu. Motote atikala komona Nzambe. Personne n'a vu Dieu. Motote atikala komona Nzambe. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit. Wana zani Thomas Paul zani koloba. Dieu habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu. Ni ne peut voir. Mais dans Jean chapitre 1er, ici là où nous sommes. Au verset 18 ici. Jean dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et celui qui l'a révélé. Voilà. Se faire connaître, c'est révéler. Personne n'a vu Dieu différemment. Monsieur, paragraphe 36. Personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante. Que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. Cette petite lumière blanche là, c'est quoi? C'est ça que les lecteurs de la Bible appellent le logos. Ou le oin. Mopakolama. Mopakolami. Ou l'onction. Mopakolami. La Bible, les théologiens l'appellent logos. C'est un mot grec. Logos. Ou le loin. Loin. Ou l'onction. Comme j'allais le dire. Écoutez. Cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose. Une partie de Dieu. Cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela est. Donc, une idée de ce que Dieu est. Parce que si Dieu ne se manifeste pas comme cela, donc, les êtres humains n'auront même aucune idée de ce que Dieu est. Rien du tout. Attends, il faut que Dieu se manifeste. Et c'est les âmes, voyez, tu vois la révélation. Il doit se révéler. Voilà. Donc, cette partie de Dieu, c'est une partie de Dieu. Cette partie de Dieu commence à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela est. C'était une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, le logos. La parole de Dieu. Maintenant, Dieu donna lui-même naissance à ce fils qui existait avant qu'il y ait même de l'air pour former un atome. Dieu lui-même donnant naissance à ce fils. Vous voyez, donc quand Foubanam disait qu'il n'était ni unité, chacun de nous, nous devons vraiment suivre cela très bien. Donc, voir vraiment qu'est-ce que les unitaires croient. Qu'est-ce que les unitaires croient. Vous pouvez avoir en vous la pensée unitariste, mais sans vous en rendre compte. Donc en ce moment-là, vous ne croyez pas la divinité telle que William Branham l'a enseignée. Donc nous devons être sur nos gardes. Ok. Dieu donna lui-même naissance à ce fils qui existait avant qu'il y ait même de l'air pour former un atome. C'est Dieu lui-même. Ils ont les âmes et les mots. Ils ont Dieu donna lui-même naissance. Zambé, c'est les cobots et ce fils-là. Ce n'est pas qu'il est allé avoir une relation sexuelle avec une femme. Dieu donna lui-même naissance. Zambé, c'est les cobots qui existait avant qu'il y ait même de l'air pour faire un homme. Jésus a dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions. Avant la fondation du monde. Jésus est en train d'adresser la prière au Père. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi. De toi-même. Jésus. En train de prier. Azali en tant que souverain sacrificateur. Maintenant. Père. Tata, glorifie-moi toi-même auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Est-ce que sans révélation, comment quelqu'un peut comprendre la portée de cette parole de Jésus dans sa prière? Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Que Dieu nous aide. Oui, c'est pourquoi quand Foubanam disait que ne lisons pas la Bible comme un journal, c'est une réelle. Parce que vous pouvez lire un verset biblique, mais tant que cela ne vous est pas encore révélé, vous lisez ça, vous passez, vous lisez. Mais la pensée qui est cachée là-dedans, ça vous passe par-dessus. Jusqu'à ce que sinon, Dieu vous ouvrira ça. Après, vous lisez, vous dites. Mais j'ai toujours lu ça. Dans la Bible. J'ai toujours lu ce passage dans cette Bible. Mais aujourd'hui, ça devient autre chose. C'est qu'en ce moment-là, la chose vous est ouverte. Donc là, Dieu vous a donné la révélation. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide, mes chers frères. Je prends acte 19. Je m'achemine, je vais chuter. Acte 9. La conversion de l'apôtre Paul. Nous connaissons son expérience, le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas. Mais le Seigneur apparaît à Saül sur le chemin de Damas. Mais dans la ville de Damas, là, il parle à Ananias. Dieu agissant aux deux bouts du fil. Ici, il rencontre Saül sur le chemin. Et là, il prépare déjà Ananias. Verset 17. Parce que nous connaissons l'histoire. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Anani alongaki pe akoti na ndako yango pe ateli Saulo maboko pe alobi eti. Ndeko Saulo, kolo Yesu, oyo amonani na yo na nzela na koya na yo, atininga yete, omona lisusu mpe otonda na molimo mosanto. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Amen. Il se leva et fut baptisé. Amen. biloko lokola mposo na mbisi bikweli na miso na ye noki noki mpe amoni lisusu atelemi mpe abatisami. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abatisamaki na kombo na Yesu Kristo. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Parlant du Fils de Dieu, donc, ni unique, ni la pensée unitaire. Paul a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Paul a commencé à prêcher que non, Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Monyokoli na bango babiangi Kongo oyo na Yerusalem ete asili pe oya awa bobele mpona kokanga bango pe kokamba bango na Yerusalem kuna na ebyango luminene alagi na mikanda o basubira sikate bapesaki ye akende okanga ku akende okanga po ale abe bango na Yerusalem donc azaki mandate apesaki mosala na banganga akumoteya que Jésus est le Fils de Dieu. Comment? Mais c'est celui-ci, non? Et d'aller motoyo. Mais c'est lui qui a persécuté au transit. Et d'aller motoyo. Il était venu pour arrêter quelqu'un dans ce nom-là. Comment l'entendons-nous maintenant comme ça parler? Bon, niveau de l'alcool, quand il y a le cependant, Saül s'est fortifié de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Nesalo akoli na nguya pe amonisi polele ete Yesu oyo ajali Kristo. Boye bayuda oyo bafandi na Damaseke bakokaki kozongisa eyanote. Il les confondait. Il prêchait que Jésus est le Fils de Dieu, démontrant que Jésus est le Christ. Ne voyez-vous pas que c'est ce que l'apôtre Pierre a répondu? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul, après sa conversion, il prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Il démontre que Jésus est le Christ. Le Christ, le Fils de Dieu. Donc ça montre que Pierre et Paul, ils avaient la même révélation. Ils étaient connectés à la même source. Et ils prêchaient le même Évangile. Oh, que Dieu nous aide. Aujourd'hui avec ce précieux message. Qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui? Les uns comme ça. Les autres là-bas. Allez. Vraiment que Dieu nous aide. Dans Galates chapitre 1er, là où je vais revenir là. Je vais revenir un peu là. Je vais revenir un peu là. C'est lui l'apôtre Paul. Je lis 11 et 12. Maintenant, je lis 13. Il témoigne. Ça, c'est là, il est déjà apôtre, il prie. Donc maintenant, il écrit aux Galates. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Il reconnaissait ça. Zambi boyoki makambo na ngai na liboso kati na bijaleli na bayuda ete nalekaki kobengana lingomba na nzambe pe kobebisa yango nye. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Na ingeli mosika kati na bijale na bayuda koleka mingi na baoyo babotami na ngai elongo. Na jalaki na posa monene pona makambo na kala na batata na ngai. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Donc l'apôtre Paul croyait vraiment qu'il était prédestiné. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Bwana ye oyo aponi ngai uta na libumu ya mama na ngai pe abyangi ngai na ngolu na ye. Quand il lui a plu de révéler en moi son fils. Bwana ye sepeli takie komoni sa mwana na ye epai na ngai. De révéler en moi son fils. Komoni sa epai na ye epai na ngai mwana na ye. Voilà, donc il avait mis à part le sein de sa mère. Nani atake mpanzi ezali nzambe tata. Et il a plu à Dieu le Père. Et sepeli takie nzambe tata. Il avait mis ouais, ça qui est à part de le sein de sa mère de révéler en lui son fils. Comment il savait pas il a plu à Dieu de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Même expression. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Voilà. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon père qui l'a reçu. Et maintenant ici, quand il a pris à Dieu le Père qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère, dès le sein maternel, qu'il avait mis à part, prédestiné à cela, et Dieu a révélé en lui son fils, il n'est pas allé consulter la chair et le sang. Il est allé l'annoncer chez les pères. Que l'évangile qu'il a prêché, il l'a reçu par révélation. Alors, si celui qui a prêché, ce qu'il a prêché, il l'a reçu par révélation. Il faut que le même Dieu qui lui a donné la révélation et qui lui a confié le message nous donne aussi la révélation pour que nous comprenions. Nous disons amen. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. C'est pour nous un grand privilège de méditer la parole du Seigneur. C'est la chose principale pour laquelle nous nous rassemblons ici. C'est de manger à la table du Seigneur la parole de vie. C'est le morceau de pain qui nous apporte la vie et la force. Vous avez vu dans Actes chapitre 9, l'expérience merveilleuse et surnaturelle qui s'est produite là. Parce que Dieu est vivant. Dieu n'est pas une théorie, pas un mythe. Regardez, il a, le Seigneur a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Et ici, au verset 9, acte 9, verset 9, l'impact de cette rencontre avec l'être surnaturel a produit un phénomène dans la vie de Paul où il est resté 3 jours sans effort. Mais il se passe quelque chose dans sa vie. Acte 9, verset 9, c'est quoi? Il resta 3 jours sans voir. Lui qui avait des yeux impeccable qui voyait bien avant. Un changement s'est produit dans sa vie. Il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Ajalaki wana mikolo misato na kotala te, pe aleite, pe Amélie. Personne ne lui a demandé de ne pas manger. Personne ne lui a demandé de ne pas boire. Personne ne lui a demandé de ne pas voir. Cela se produit de soi. Comme une personne préparée à cela. Et trois jours après, il ne voyait pas, ne mangeait pas, ne buvait pas. Alors Ananias, envoyé par le même Dieu qui venait de traiter avec lui. Comme vient de dire le pasteur, le Dieu surnaturel au début du fil. Dieu de la Bible agit toujours des deux côtés. Et quand le surnaturel est en action, sachez que rien ne peut l'interrompre. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le perturber. Dieu commence et il achèvera. Advienne que pourra, il y aura des résultats. Trois jours après, verset 17, Ananias sortit, envoyé par le même Dieu qui venait de traiter trois jours avant avec Solétat. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. C'est pas Saul qui lui a demandé de lui imposer les mains. Lui, il est allé faire ça. C'est Dieu qui le lui a, il a envoyé faire ça. En disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Surnaturel sur surnaturel. Je pense que ça, ça peut vous être aussi révélé. Dans l'importance de la révélation. Et si vous vous approchez de Dieu sur la même base, il est évident que vous aurez les mêmes résultats. Soyez des hommes et des femmes de prière. Et c'est là que nous apprendrons beaucoup de choses. Donc vous ne venez pas par formalité. Vous n'apprendrez rien par intellectualisme. Soyez à genoux. Avant de prier, je lis ici dans la semence des serpents, prêché le 28 septembre 1999, le paragraphe 149, s'il vous plaît. Dieu a caché cela aux yeux des sages et des intelligents. Et il a promis de le révéler au Fils de Dieu. Dans les derniers jours, quand le Fils de Dieu serait manifesté, quand le Fils de Dieu qui serait juste avec lui dès avant la fondation du monde, dès avant la fondation du monde, il y avait des fils de Dieu qui se réjouissaient avec lui. Quand la glorieuse révélation de la divinité et tout serait donné dans les derniers jours, il manifesterait ces choses au Fils de Dieu. Mais il les a cachées aux sages et aux intelligents. Vous savez que c'est ce que l'Écriture enseigne. Et nous y voilà. Nous y voilà. Au temps de cette promesse-là, dans les derniers jours. C'est pour cette raison que Dieu nous dévoile ces choses. Dieu est en train de manifester ses fils. Il va au-delà des limites de toute connaissance humaine. Profondément dans les révélations spirituelles. Pour nous communiquer cela. Est-ce que nous n'avons pas enseigné dans cette Bible que c'est le cœur de la sagesse? Non pas ce qu'il a appris dans un séminaire, mais ce qu'il a appris sur ses genoux. Dans la présence de Dieu. Et ce que Dieu a jugé bon de lui donner. Le Fils de Dieu manifesté. Donc, Paul a prêché par révélation. Branham a prêché par révélation. Et vous croyez par quoi? Par formalisme? Par intellectualisme? Par relation? Par amitié, ça ne marchera pas. Paul a prêché par révélation. William Branham a prêché son message par révélation. Vous qui le croyez, vous êtes obligés de le croire par révélation. Et la révélation vous viendra comment? Ce n'est pas dans un séminaire. Mais vous apprenez ces choses sur vos genoux. Dans la génologie. Génologie. La vie de prière. Dans la présence de Dieu. L'auteur de la parole. Vous n'allez pas vous vanter de ce que vous connaissez de ce qui est écrit. Mais vous devez connaître l'auteur de ce qui est écrit. Parlez à l'auteur de ce qui est écrit. L'auteur de l'évangile que vous entendez. Avoir une relation personnelle avec lui. Entretenir les relations de révélation. D'inspiration. De divinité. Et de puissance. Parce qu'en lui il y a tout. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? C'est pas juste écouter la prédication. Il faut retourner en balançant les bras. Hein? En balançant les bras, une idée gauche, droite, et puis tu rentres à la maison. Monsieur, madame, soyez sérieux. La généalogie. La prière. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Au moyen de la prière. Et vous pouvez nous l'entendre. Ne priez pas pour balancer les bras aussitôt après. Et répondez. Oh Dieu, fais ceci, fais cela. Amen. Partout, avec les pensées ailleurs, dans l'impiodi, l'endagala. Non. Vous avez parlé à un être surnaturel. Hein? Nous chantons que la prière, c'est un dialogue. D'un chrétien avec son Dieu. Après avoir fini la prière. Attentif. Peut-être qu'il va vous dire quelque chose. Peut-être qu'il va réagir immédiatement. Toujours prêté. D'arrêter la prière et de vite aller répondre au téléphone. Tu ne peux pas ignorer ce téléphone là qui sonne. Dieu notre Père Céleste. Crains. Seigneur, oui, je voulais terminer la prière au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vraiment comme ça. Vraiment comme ça. Et tu as prié et puis tu es dans les téléphones. Tu ne peux pas ignorer ce téléphone-là. Parce que tu parles à un être plus important que celui qui t'appelle là sur la terre. Un mortel de la terre. C'est pas pour te dire des vanités, des choses. Mais tu es dans la présence de l'être sacré. Donc vous voyez ici le commencement de la création. Quelle profondeur. Hein, il faut connaître ces choses-ci. Et que Dieu vous les révèle. Mettons-nous debout pour la prière. Vous aimez la prière? La prière était la présence. La prière, c'est la solution. Amis, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien, oui, avec. Et mon prier, la prière, est une présence que la prière. La solution, amis, la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, oui. Église a prié, la prière, est une présence, la prière, la solution, amis, la prière, c'est un dialogue. Chrétien avec, faire prier, la prière est une présence, la prière, la solution, la prière, un dialogue d'un très chrétien, oui, avec ma sœur a prié la prière, une présence, la prière, et la solution, oh, la prière, un dialogue, amé avec, et on priait beaucoup, priait toujours, une présence, la prière, c'est la solution, où la prière est un dialogue, un chrétien, oui, avec, ils ont prié, la prière, c'est une patience, la prière, c'est la solution, amis, la prière, c'est un dialogue, d'un chrétien, avec mon frère a prié, la vieille histoire du sommeil. Ça, ça veut que le formalisme, la religion croit des sans puissance. Oh, c'est la solution. Oh, la prière. Saint dialogue, un chrétien. Avec sœur prière. Par mes prières, une puissance. La prière, c'est la solution. Où la prière est un dialogue, un chrétien avec son Dieu, famille, la prière, c'est une présence, la prière, oh mon âme, la prière est un dialogue. Débarrasse-toi des froideurs d'église. Avec, invoquons Jésus, la prière. Oh, la prière, c'est la solution, c'est vrai, la prière. Saint dialogue, saint chrétien. Oh, avec, invoquons Jésus, la prière. Est une présence, la prière. Où amis toujours, la prière est un dialogue d'un chrétien. Où avec, prions croyant, la prière est une présence, la prière. C'est la solution. Toujours la prière, un dialogue d'un chrétien, avec au prion du cœur, la prière est une présence, la prière c'est la solution, où la prière est un dialogue. Saint chrétien, oh avec, fais-moi prier, la prière est une présence, la prière, oh, la prière est un dialogue, chrétien, oui, avec ton Dieu. C'est pas bon que juste au moment de la prière, une grande fatigue vous envahisse. C'est au moment où il faut prier que vous vous sentez très fatigué. Comme si il ne faut pas beaucoup parler. Il faut parler juste un peu. Pour un peu, avoir sommeil, juste au moment de la prière. Une sorte de somnolence. L'assoupissement. C'est faux. Ils allaient ma paix. Au moment de la prière, soyez forts. Amen. Amen. parler avec foi à Dieu. Il a promis de répondre à la prière. N'oublie pas le moment de prière. C'est là que Jésus a promis de te rencontrer. Ça c'est la fatigue. Ça c'est la somnolence. C'est un esprit mauvais. Il sort au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas de lui ici. C'est le moment où il faut parler au roi. À l'auteur de l'évangile. L'auteur de la création tout entière. Le monde n'existe pas par lui-même. Mais notre Dieu existe par lui-même. Et il est le propriétaire du monde entier. De l'univers tout entier. Le ciel et la terre, tout ce qu'il renferme, c'est la mer et les océans, tout ce qu'il renferme, ça appartient à ton Dieu. Comment ne pas être fort quand il faut lui parler? La prière est un appaissant, la prière c'est la solution. Mais la prière est un dialogue, sans certain, oui, mais ayons dit que la prière est une présence, la prière, solution, ou la prière est un dialogue d'un chrétien, amen. Invoquons Jésus, la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution. Toujours la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Parlons maintenant au Seigneur chacun. De tout votre cœur, en toute humilité, dans la sincérité, pas par formalité, pas comme juste un devoir d'église. Ce n'est pas pour que le pasteur voie et apprécie, mais c'est pour que Dieu entende ta voix. Il te pardonne tes péchés. Il vole à ton secours. Il t'accorde une percée. Il te relève le niveau et te révèle ses voix. Prions chacun maintenant. Quel engagement, si seul me veut, à lui qui m'aime, vite mon amour, puisse les chanrons, pire sa maison, pendant que je vais à l'hôtel. Que je vais à l'hôtel, quel beau jour, quel beau jour. Quand Jésus a pas mes péchés, il m'a prié, a veillé, prié, vivre et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés, l'alliance est faite, amen, avec Jésus, amen, il est à moi, c'est vrai, je suis à lui, il me conduit, gloire. Que je les suis. Alléluia. Brillant et con. On fait ses savoirs. Alléluia. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Quand Jésus ôta mes péchés, il m'a pris à veiller, prier. Amen. Chaque jour dans la joie, amen, quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés, il m'a veillé, prié, et dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, en Jésus, oh, ta mes péchés. Dieu merveilleux et tout puissant. Nous te disons grandement merci ce soir pour cette précieuse communion. Autour de la précieuse parole révélée de Dieu. Le retour que tu as préparé pour tes élus dans les derniers jours. La révélation de Jésus-Christ. La révélation des mystères de la parole. La révélation des secrets de la rédemption. Nous sommes heureux pour ton amour. Et t'offrons nos cœurs de ce que tu es venu à nous pour nous relever de nos bassesses et nous apprendre la meilleure vie de Dieu, la vie spirituelle, la vie surnaturelle, la vie de l'amour parfait, la vie de la sainte présence de Dieu. Oh Père, déverse-toi à nous en chacun une portion de toi. C'est à l'eau de lumière là. C'est ma colonne de feu là. Qui était au jour de la Pentecôte. La même colonne de feu là. C'est le gosse de Dieu. Une portion de Dieu dans les cieux. Allez racheter, nous en voulons. Et au gloire éternelle. Et au Dieu surnaturel. Et pardonne le péché. Amen. Confirme l'alliance de Golgotha par le sang rédempteur d'Emmanuel. Dieu est devenu homme, devenu tangible parmi nous. Il t'a rendu semblable à nous pour nous délivrer du péché. Béni soit ton nom éternellement. Oh Dieu de vie, fontaine intarissable, source de révélation et d'inspiration parfaite. Gloire, honneur et louange à toi pour l'éternité, car tu es fidèle dans toutes tes voies. Tu es fidèle à chaque promesse. Tu confirmes ta parole. Nous te bénissons. Te glorifions. Et te prions de garder chacun de nous. Toi qui veilles sur Israël. Tu ne sommeilles ni ne dors. Veilles sur ton église. Les troupeaux de ton pâturage. La portion de ton héritage. Prends soin d'elle, Seigneur. Rends-la plus que vainqueur. Protège-la de part en part. Que ta lumière nous éclaire. La gloire de la Shekinah. Restaurée parmi nous. Ramène la foi au même niveau. Pour ramener le résultat. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le prédicateur. Toute l'église entière. Tous les saints de Dieu dans le monde entier. Le corps de Christ. Nous autres nous. De Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Nankolo et Pambola Malvila Libela.